je et toi tout. D'ici s'en va mon ange et elle reprend tout. Et elle reprend tout. Ici s'arrête la terre. La mer, et je deviens fou, et je deviens fou. Pas, va, là, l'âme. Pas, va, là. L'arme, pas, va, ma flamme, pas, va, ma flamme. Ici repose un ange. Je lui donne tout. D'ici s'en va mon ange. Et elle me vole tout. Et elle me vole tout. Ici se passe notre âge. Les photos sont floues. Ici commence ma souffrance. Je lui survis mal. Je lui survis mal. Pas, va, là, là. Dead on, oh, it's you, Arthur.